Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Flagget pour votre émission de vulgarisation scientifique « Mission Impossible ». Si vous ne nous connaissez pas encore, « Mission Impossible » est une émission durant laquelle les agents Justine... Bonjour Justine. Eh bien, bonjour Gaëtan et bonjour à tous. L'agent Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Gaëtan, bonjour Justine, bonjour à tous. Et donc moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC, nous vous expliquons à chaque émission le fonctionnement de quatre phénomènes physiques et ou chimiques. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement, passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Découvrons maintenant ensemble ce que nous ont concocté les agents pour cette nouvelle émission. Bertrand, quels seront tes sujets du jour ? Alors, pour ma part, je vais tout d'abord vous apporter des informations les moins floues possibles concernant les mirages. Puis ensemble, nous verrons la fabrication de la margarine et les projets de CD industriels qui se cachent derrière. Pour ta part, Justine, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, j'ai dédié une chronique pour répondre à une question qui peut paraître toute simple en apparence, mais qui renferme plein d'infos intéressantes et qui est « Comment la lessive lave nos vêtements ?» Et puis, je vais poursuivre une série de chroniques sur le nucléaire que nous avions entamé il y a quelques émissions. Tout à fait. D'ailleurs, ta première chronique sur le sujet est disponible en podcast sur notre chaîne YouTube. Allez voir dans l'émission du 5 mars. Sur ce, je te laisse poursuivre sur ce sujet. Donc, comme tu le disais, on avait vu il y a un mois comment était obtenu et préparé ce qu'on appelle le combustible nucléaire. Dans notre cas, c'est de l'uranium. Il est donc maintenant temps quand même de voir ce qu'on va en faire. Alors déjà, il faut savoir que l'uranium-235 est difficile. Ça veut dire qu'il peut se casser. Enfin, son noyau peut se casser en deux. C'est grâce à ça qu'on produit l'énergie. Mais je vais expliquer un petit peu plus. Les tubes d'uranium vont être bombardés avec des neutrons. Vous vous rappelez, le noyau est aussi composé d'électrons et de protons. Il suffit alors d'un seul neutron qui arrive pour casser le noyau de l'uranium en deux. À ce moment-là, le noyau, en se cassant, va aussi perdre deux ou trois neutrons. Mais c'est surtout là que se passe une des étapes les plus importantes, qui est la libération d'énergie. Et oui, c'est grâce à cette fission que l'atome va libérer l'énergie, et c'est justement ce qu'on recherche. Et l'énergie libérée par le nucléaire est colossale par rapport à la combustion, par exemple, du charbon. Maintenant, je vais vous amener à quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, mais dont vous ne savez pas réellement la signification. Il se trouve que si vous pesez les deux moitiés de noyaux qui viennent de se casser, eh bien, ils seront moins lourds que le noyau entier avant fission. Il y a eu une perte de masse. Et en fait, cette masse s'est transformée en énergie. Et c'est là qu'intervient la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. L'énergie est égale à la masse disparue fois la vitesse de la lumière au carré. Et petite parenthèse finie, revenons à l'uranium. Un noyau vient d'être cassé, des neutrons ont été libérés. Mais notre noyau, il n'est pas tout seul dans son tube. Les neutrons libérés peuvent alors aller bombarder d'autres noyaux, et ainsi de suite. On a ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Sauf qu'à un moment, ça va quand même faire beaucoup de neutrons qui se baladent. En plus, ils se déplacent à une vitesse énorme. D'ailleurs, vous avez une idée de cette valeur ? Très proche de la vitesse de la lumière. Donc, je dirais, on va dire 200 000 km/s. Non, un peu moins quand même. Bon, je vais vous donner la réponse. En fait, il se déplace à 20 000 km/s. Donc, c'est un peu beaucoup. Il faut alors les ralentir à 2 km/s. Bon, ça reste beaucoup, mais pour ce qu'on veut en faire, c'est déjà mieux. Et pour ça, on utilise un modérateur, qui est en fait une matière composée d'autres noyaux, mais qui, eux, ne vont pas se casser et qui va freiner les noyaux. Bon, avec ça, on n'a pas encore produit d'électricité, hein, parce que c'est quand même notre but. Mais vous avez peut-être aussi remarqué que les centrales sont construites à proximité d'un point d'eau comme un fleuve. Et oui, car dans le réacteur passe de l'eau dans un circuit fermé, dit circuit primaire, et cette eau va se réchauffer, donc grâce à l'énergie libérée par la fission des noyaux. Et elle va monter jusqu'à 330 degrés Celsius. Mais elle va rester liquide, car cette eau est sous pression, et non à la pression atmosphérique. Une fois chauffée, elle va aller dans des tubes qui sont en contact d'un autre circuit dit secondaire. Cette nouvelle eau, donc dans le circuit secondaire, elle va, elle, se transformer en vapeur, qui va aller faire tourner une turbine, et enfin un alternateur, qui produira l'électricité. Voilà, je vous ai globalement expliqué comment faire de l'électricité avec le nucléaire. Et dernier petit truc, ce qui sort des grosses cheminées qu'on voit dans une centrale, ce n'est que de la vapeur d'eau. Et ces centrales nucléaires dont tu nous as parlé sont des lieux incontournables de la production d'énergie. D'ailleurs, la société française Orano est un leader sur le marché du combustible nucléaire. Nous allons maintenant prendre une petite pause, en musique comme toujours, en écoutant Nuclear Family du groupe Green Day. On se retrouve tout de suite après sur Fadjet. Retour sur l'antenne de Fadjet, vous écoutez votre mission de vulgarisation scientifique Mi Science Impossible, avec les fabuleuses chroniques des agents Bertrand et Justine, qui venaient tout juste de nous expliquer le fonctionnement des centrales nucléaires. Bertrand, toi, tu vas prendre le relais pour nous parler des mirages. Je te laisse nous éclairer là-dessus. Merci Gaëtan. Donc, parlons un peu des mirages. Un mirage, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est ? Par abus de langage, certains vont simplement vous dire que c'est une illusion d'optique, ce qui est faux. Car en réalité, c'est tout un phénomène optique. Pour comprendre le fonctionnement des mirages, il faut parler de la lumière et de la façon dont cette dernière réagit en changeant de milieu. Les plus attentifs d'entre vous se souviennent peut-être de notre émission sur la couleur de la mer. Elle commençait à dater un peu. C'est le même principe. Dans un premier temps, je dois vous parler de l'indice de réfraction pour comprendre. L'indice de réfraction, c'est une des nombreuses caractéristiques physiques d'un fluide. Et celle-ci caractérise juste le comportement de la lumière dans ce milieu. Lorsque la lumière passe d'un milieu avec un indice de réfraction différent à un autre, elle peut soit remonter, soit descendre. Elle sera un petit peu déviée, en fait. Prenez pour exemple l'eau dans une piscine. Un objet que vous voyez au fond, d'accord, vous le voyez un petit peu avancé par rapport à sa position réelle. Et vous voyez que quand la lumière passe d'un milieu, donc l'eau, à l'air, il y a une déviation des rayons. Et ceci est vrai, même si on passe à travers de multiples milieux. La lumière sera donc déviée à chaque fois. J'ai parlé de caractéristiques physiques tout à l'heure. Eh bien, sachez que l'indice de réfraction d'un milieu dépend entre autres, de sa température. Ainsi, de l'air à 10 degrés Celsius n'a pas le même indice de réfraction que de l'air à 20, à 30 ou à 40 degrés. Plus le fluide est chaud, plus son indice de réfraction est bas. Maintenant, on va parler des mirages. En imaginant que chaque couche d'air qui a une température différente est un fluide différent. Vous pouvez donc voir qu'à chaque fois que le rayon va passer d'une couche à une autre, le rayon lumineux va pouvoir se courber. On peut donc assez facilement imaginer que ce que nous voyons au sol à, disons, 50 mètres peut en réalité se situer à beaucoup plus de distance, par exemple 100 mètres. Les rayons lumineux réfléchis vers le bas par l'objet en question, disons par exemple un palmier dans un désert, sans parler de tant d'autres, vont être déviés et au lieu d'arriver au sol, ils ne feront que raser le sol sans le toucher avant de remonter vers nos yeux. Ce que je viens de vous décrire, c'est un mirage chaud. La lumière remonte car le fluide au sol est plus chaud que le fluide en hauteur. On peut voir ce genre de mirage notamment dans les déserts, mais aussi sur les routes en été. On a parlé de mirages chauds, mais il existe aussi des mirages froids que l'on retrouve aussi dans les déserts, mais de glace cette fois, en Arctique et en Antarctique. Ils sont aussi parfois aussi observables en mer. Des mirages en pleine mer ? Voilà qui expliquerait quelques récits marins parfois un peu farfelus. Ça ou les beuveries sur le port. Justine, ça va être à toi d'entrer en scène pour répondre à une question qui touche au quotidien de nous tous. Mais comment fait la lessive pour nettoyer nos vêtements ? Je te laisse nous en dire un peu plus. Eh oui, donc je vais vous dévoiler quelques secrets d'un produit que vous utilisez sûrement régulièrement, qui est donc la lessive, pour laver nos vêtements ou d'autres tissus évidemment. Mais savez-vous vraiment ce qu'il se passe dans votre machine à laver ? Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que vous lavez vraiment ? Que sont ces taches et ces salissures en fait ? Alors, il y a plusieurs catégories. On trouve d'abord les taches dites grasses. Donc globalement, bah, ce sont les graisses. Et ensuite, on a les taches dites maigres, comme le thé, le café, le fruit ou l'herbe. Et les taches particulières, comme les poussières ou la terre. Et enfin, les taches corporelles, comme la transpiration, le sang ou le sébum. Heureusement, nos lessives arrivent normalement assez bien à faire partir toutes ces taches. Mais pour ça, il y a plusieurs processus chimiques, physico-chimiques ou même biochimiques. Alors, un des premiers éléments de la lessive qui va nous être utile, ce sont les tensioactifs. En fait, ce sont des molécules qui ont une tête qui va plutôt bien aimer l'eau, et l'autre partie, ce sont des longues chaînes accrochées à la tête qui, elles, vont plutôt bien aimer le gras. Ces molécules, elles vont se mettre au niveau des taches grasses, et les longues chaînes, qui donc aiment le gras, vont venir, en quelque sorte, décoller la tache petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit complètement décollée de la surface. Et alors les tensioactifs vont englober complètement la tache. Donc ça va faire comme une petite boule de tensioactif avec la tache à l'intérieur. Et ensuite, pour pas que la tache se remette, on va aussi avoir des agents qui vont donc empêcher à la tache de se redéposer sur le tissu. Autre partie, on a aussi quelque chose pour faire partir les taches plutôt colorées. Ces produits vont agir par oxydation. On a par exemple des produits comme l'eau de Javel, mais si vous avez déjà fait l'expérience, bah, ça va pas juste enlever la tache, mais ça va surtout décolorer tout votre tissu et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va plutôt utiliser des molécules comme l'eau oxygénée que vous avez peut-être dans votre salle de bain. Ensuite, si vous avez des vêtements blancs, vous avez peut-être remarqué qu'au fur et à mesure des lavages, votre blanc peut jaunir. On va alors rajouter ce qu'on appelle des azurants optiques. En fait, à la base, on rajoutait des colorants bleus parce que le jaune et le bleu sont complémentaires et ensemble, ils donnent un effet blanc. Donc en fait, on faisait juste croire à votre œil que le linge était plus blanc. Mais le risque était de vraiment un peu colorer le tissu en bleu. Donc maintenant, on utilise des molécules fluorescentes incolores qui vont émettre du bleu par fluorescence. Enfin, on peut aussi utiliser des enzymes. Pour rappel, les enzymes, ce sont des molécules qui peuvent grignoter et casser d'autres molécules. On en a alors qui peuvent grignoter les molécules, par exemple, de sang ou de l'œuf et divers gras, ou même casser les bouloches de coton. Donc c'est quand même super bien. Et voilà, vous en savez un peu plus sur ce qu'on peut trouver dans la lessive. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais Mission Impossible s'écoute parfaitement pendant la durée du cycle de lavage de votre machine. À bon entendeur. Nous arrivons au moment de faire une petite pause musicale. Écoutons ensemble Samus de Superbus. Et on se retrouve juste après sur Fadjet pour une dernière chronique et notre quiz de fin d'émission. soir dans mon bain de pensée, j'ai pris le temps de mouiller mon savon parfumé. Je laisse la salle et mon dos dans l'eau douce. Un peu de couleur salée, aller dans la mousse. Les pétales de savon, c'est très mousse. Les bouts de citron m'éclaboussent. Je laisse la salle et mon dos dans l'eau douce. Un peu de parfum, mon sang, aller dans ma bouche. Ça mousse, mousse, entre toi et moi, j'ai la peau douce, douce, comme de la soie. Ça mousse, mousse, entre toi et moi, ça m'éclabousse, mousse, comme de la soie. De retour sur les ondes de Fadjet dans Mission Impossible, l'émission de vulgarisation scientifique tenue par les agents de l'ENSIC. Bertrand, après nous avoir parlé des fameux mirages, tu vas maintenant nous apporter des infos sur la fabrication de la margarine. Je te laisse donc accomplir ta mission. Oui, chef. Vous savez, étant dans une école de procédés, il est parfois de notre devoir de parler, procédés. Mais à défaut de pouvoir vous parler de façon approfondie du fonctionnement de certains réacteurs, des échangeurs de chaleur, des pompes, etc., je vais vous parler d'un processus complet, celui de la fabrication de la margarine. Pourquoi la margarine ? Eh bien, ce matin, j'avais faim, je me suis fait des tartines et on commence à s'éloigner du sujet. La margarine, donc. La margarine, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de beurre. En disant ça, je me suis mis à dos deux types de personnes, les adorateurs de beurre et les adorateurs de margarine. C'est génial. Enfin bref, tout commence avec des graines. Ces graines sont écrasées, puis chauffées afin d'obtenir une espèce d'huile. Malheureusement, cette huile contient encore de la résine et de la gomme, qu'il faut donc retirer. C'est pourquoi on ajoute à cette huile de la soude caustique, puis on la filtre grâce à de l'argile, qu'on appelle de l'argile smectique, ou terre à foulon. C'est de la terre avec des propriétés spéciales. On obtient alors de l'huile raffinée. C'est là qu'on arrive dans le dur. Accrochez-vous, ça va aller vite. L'huile en question va réagir avec de l'hydrogène, puis elle va être neutralisée, puis blanchie, puis filtrée. Ça fait beaucoup. Ensuite, elle est chauffée jusqu'à sa température d'ébullition afin d'être raffinée et désodorisée. Parce qu'elle avait alors une odeur que vous ne voulez pas avoir dans votre salon. On a fait le plus dur. On trempe alors l'huile obtenue dans des huiles animales, dont des huiles de poisson. Ensuite, ensuite, on fait de la cuisine. Un peu de sel, de l'eau, des colorants, du lait en poudre, des vitamines. Et pouf, on obtient de la margarine émulsifiée. On ajoute alors de la lécithine et du monoglycéride. On mélange le tout, on laisse refroidir, on souffle dessus. Et ensuite, vous mettez la mixture obtenue dans une barquette. Et vous pouvez alors vendre la barquette au supermarché. Et c'est là qu'on voit que, mine de rien, alors si vous avez rien retenu, c'est que je suis pas entré dans les détails. Donc c'est normal. Mais mine de rien, vous avez compris qu'il y avait plus d'une dizaine de procédés juste pour faire votre margarine. Est-ce beaucoup? Pour nous, oui. Pour l'industrie, non. Très très loin de là. Certains procédés industriels, tels le raffinage du pétrole, dont Justine nous a parlé d'ailleurs, utilisent plusieurs dizaines de procédés différents pour faire tout ce qu'on veut avec. Et certains procédés dépassent allègrement la centaine. Enfin bref, tout ça pour vous dire que derrière quelque chose d'aussi anodin qu'une barquette de margarine, j'ai failli dire une barquette de beurre, je m'en excuse, il y a des procédés industriels très intéressants et dans un très grand nombre. Et à l'ENSIC, on nous apprend à les mettre en place. Si c'est pas beau tout ça. Oui, c'est vrai qu'on étudie toutes sortes de procédés, ceux qui sont dans l'industrie agroalimentaire, mais pas que. Nous nous dirigeons maintenant vers la dernière séquence de l'émission, et c'est maintenant l'heure pour vous et pour nos deux agents de se confronter au quiz du jour. Alors, est-ce qu'il y a un thème cette fois? Bien évidemment. Il y a toujours un thème. Mais surtout, quel est toujours le thème? Un thème. Le thème du jour sont les femmes qui ont fait avancer la science. Super. Je crois que mes connaissances là-dessus s'arrêtent à Marie Curie. Eh ben, ça tombe bien, je ne l'ai pas mis. Je vous explique le principe. Yes. Je vais vous poser plusieurs questions et à chaque fois, vous aurez trois propositions et ça sera à vous deux et aussi aux auditeurs de retrouver la bonne réponse. Je prépare un des trois, j'arrive. Alors, première question. À quelle femme associe-t-on l'invention du bain-marie, une technique que l'on connaît bien de nos jours en cuisine, notamment pour faire fondre du chocolat et faire de bons gâteaux? Alors, est-ce Marie de Médicis qui aurait demandé à un cuisinier de la cour une technique pour faire fondre le beurre rapidement et sans se brûler? Est-ce Marie Hébrae, dite Marie la Juive, une alchimiste de l'Antiquité qui a cherché une technique pour faire des expériences sans risquer de se brûler? Ou est-ce alors Marie Stuart, dite Marie Première d'Écosse, connue dans tout le Royaume-Uni pour passer la grande majorité de son temps dans des thermes, c'est-à-dire des bains chauffés, où elle avait pris l'habitude d'y faire cuire ses aliments au sein même du bain? Je crois avoir déjà entendu le nom de Marie la Juive, donc je vais opter pour celui-là. Ok, je note. Ça ne parle pas trop, cette proposition, mais je vais partir sur la première, écoute. D'accord, donc Marie de Médicis pour toi. Ouais. Nous avons un gagnant, puisque Bertrand, tu as bien deviné, c'est bien Marie la Juive qui a inventé la technique du bain-marie. Pour un peu plus de précision, donc Marie la Juive, on a du mal à la dater, mais elle aurait fait ses œuvres durant l'Antiquité. Et elle était à l'époque ce qu'on appelle une alchimiste, enfin ce qu'on appellera plus tard une alchimiste, c'est-à-dire une personne qui voulait transformer tout un tas de matières en or. Et c'est donc elle qui a eu en premier l'idée de chauffer un récipient d'eau pour chauffer une substance annexe sans crainte de la calciner en la chauffant directement. Assez ingénieux d'ailleurs. Deuxième question, quelle femme a modifié les méthodes de travail des agriculteurs en leur indiquant d'utiliser des pesticides? Est-ce Emma Bickoff, une responsable des jardins de la cour du roi de Hollande, qui aurait popularisé l'utilisation de produits chimiques qu'elle utilisa afin de préserver les plantes dont elle avait à s'occuper? Est-ce Eleanor Ormerod, une Anglaise issue de bonne famille, possédant de vastes terrains agricoles, et qui était simplement passionnée par l'étude des insectes? Ou est-ce enfin Sacha Agapov, une illustre scientifique russe, mandatée par le gouvernement pour lutter contre la période de famine d'après-guerre? J'ai envie de dire pas la 2, parce que je vois pas pourquoi. Enfin, tu me dis, c'est vrai qu'on a beaucoup d'expériences d'inventions qui sont arrivées par hasard, mais je ne pense pas que quelqu'un qui soit passionné par les insectes développe du pesticide. Ouais, pareil. Donc, j'irai plutôt sur la 1. D'accord, donc Emma Bykoff pour toi. Oui. Et toi, Justine? Bah, du coup, je ferai plus sur la 3 alors. Une 3. De nouveau, je mets les petits roulements de tambour. Eh bien, je vous ai bien piégé parce que c'est Éléanor Ormerod Ah. qui en fait, de par sa passion sur les insectes, a fait des recherches et a cherché des moyens de lutter contre les espèces prédatrices des productions agricoles pour justement que les insectes n'amènent pas des grosses périodes de famine. Et J'aime une bien les histoires dernière. comme ça. Ouais, c'est sûr. En plus, c'était une femme qui est donc pas du tout dans le milieu scientifique à la base, ce qui était encore plus courant quand on remonte dans l'histoire, mais du coup, elle a fait avancer en tout cas le milieu agricole. Et une Ok. dernière question pour aujourd'hui. Laquelle de ces femmes a fait la découverte de la détermination du sexe d'une personne selon ses chromosomes, en tout cas les chromosomes de ses géniteurs? J'ai eu très très peur avant la fin de ta phrase. Ne t'inquiète pas. Alors, est-ce Émilie Pars, une scientifique française qui a dédié sa vie aux questions de maladies héréditaires et qui aurait fait cette découverte par hasard durant ses recherches? Très plausible. Est-ce plutôt Olga Lindberg, une chercheuse suédoise et enseignante à l'université de Malmö, qui, en coopération avec son mari, a mené de nombreux travaux sur la reproduction animale et donc a trouvé des similitudes chez l'homme? Ou est-ce plutôt Nettie Stevens, une institutrice américaine qui a mené des études en biologie et plus particulièrement, pardon, sur les chromosomes des insectes? Alors, selon vous? Selon moi, pas le 3. Mais ce truc, c'est que je me suis déjà planté juste avant en disant ça, donc Justine ne m'écoute pas. Bah, je dirais pas. Alors, de base, j'aurais dit la 2, mais ça fait déjà deux fois que tu donnes la réponse B comme étant la bonne réponse, donc cette fois, je vais dire... Ah, tu me diras jamais 2 sans 3. Non, je vais rester sur la 1. Je vais rester sur la 1. Parce que Ok, du techniquement, coup. ce serait le plus cohérent. Les maladies héréditaires, ça peut emmener directement là-dessus. Donc, ça me paraît pas aberrant. Donc la scientifique française pour toi. Oui, coco Je Olga. note, je note. Ouais, bah je serais d'accord aussi sur la une quand même. Et bah décidément, je suis fier de moi puisque la Oh, bonne mais réponse non! était la troisième, Nettie Stevens, qui est à l'origine de la découverte de la détermination du sexe par l'étude des chromosomes. D'accord. Eh bien. Et donc, un petit complément. Donc en gros, c'était une ancienne institutrice qui s'est spécialisée dans l'étude des cellules des êtres vivants. Et puis elle a été amenée à travailler avec un certain Thomas Hunt Morgan, qui lui était spécialisé dans l'étude des chromosomes. Et donc en commençant par étudier les chromosomes d'un insecte qui s'appelle le Ténébrion meunier, elle a découvert que les femelles avaient 20 chromosomes de la même taille, que les mâles en avaient 19 identiques et un plus petit, qu'elle appela le chromosome Y, qu'elle fit correspondre à un chromosome X chez la femelle de l'espèce. Et donc, cette découverte a été ensuite validée par certains de ses confrères et a été extrapolée pour l'espèce humaine. D'accord. On part d'un tout petit insecte et on en tire des super conclusions pour nous, c'est assez fou. Bah mine de rien, il y a quand même pas mal de sciences qui se reposent là-dessus. Enfin, quand on pense aux vaccins et trucs comme ça, c'est testé sur les animaux avant. Mais oui, Tout les à fait. insectes, c'est pas mal, ouais, quand même. C'est ainsi que s'achève cette émission de Mission Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre l'actualité de l'émission. Et vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube, Mission Impossible, pour y retrouver l'intégralité de nos émissions. Elles sont bien évidemment disponibles aussi sur le site de Fadjet. Pour nous, on se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 16 avril, toujours à 16h, pour en apprendre davantage au travers de nos différentes missions. Pas si impossible que ça, vous le verrez. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au À revoir. bientôt!